Qu'est-ce qui t'arrive? T'en fais une drôle de tête? T'es pâle comme un linge? Ah, écoute, ne m'en parle pas. Je suis toute chamboulée. Raconte-moi. Ben, ce matin, bon, je suis partie très très vite parce que j'étais à la bourre. Hein, je devais accompagner ma fille à l'école. Tu passes le bac, non? Non, le brevet blanc. Le brevet. Oui, elle avait son brevet. Donc j'étais très pressée. J'ai pris l'autoroute pour aller plus vite parce que bon, j'aime pas ça. Hein, mais là, bon, cette fois-ci, j'étais pressée, donc j'ai pris l'autoroute. Et donc il y avait pas mal de monde. Et t'as vu un accident? Eh ben, écoute, je suivais une file. Ouais. Et tout à coup, le gars qui était devant moi a freiné à mort. Ouais, il a pilé. Bon, je me suis dit, il est fou ce type. Hein. Bon, c'est hyper dangereux sur l'autoroute. Bon, je l'ai évité de peu. Bon, les voitures derrière. Ouais, elles arrivaient à fond. J'avais drôlement peur parce que vraiment, elle s'est arrêtée à 5 cm de moi. Hein. J'étais furieuse contre le gars de devant. Bon, qui s'est arrêté comme ça, c'est hyper dangereux. Alors bon, il est sorti de sa voiture. Et qu'est-ce que t'as fait? Et ben, et à ce moment-là, plusieurs conducteurs sont sortis. Alors moi j'ai fait pareil, hein, ouais. Je suis sortie. Et là, devant sa voiture, il y avait une gamine. Devant la voiture du gars qui était devant toi. Oui, allongée par terre, hein, une gamine de 16-17 ans. Mais qui était comme à pied? Alors sur le coup, moi j'ai pas compris. Je me suis demandé d'où elle arrivait parce que je pensais qu'elle était à pied, mais une piéton, oui, bizarre, un piéton sur l'autoroute. Alors j'ai demandé au gars ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Et là lui, alors il était dans tous ses états. Tout il tourné. Tremblait, il était. J'ai cru qu'il était responsable d'un accident. Oui. Et là, il m'a fait voir le pont. Parce qu'on s'était arrêté juste sous un pont. Hein. Donc il m'a fait voir le pont. Et figure-toi que cette gamine s'était jetée du pont. Oh là là. C'était affreux, vraiment affreux. Ouais, t'es encore bouleversée là. Ah, et comment ouais. Et le gars à qui c'est arrivé, dis donc aussi. Ben oui. Ben, il n'a pas écrasé la fille, hein. Il s'est arrêté juste avant. Mais enfin, c'était. Alors bon, on a appelé immédiatement les pompiers, ouais. La police. Les pompiers sont arrivés vraiment très vite. Hein. Mais. Je ne suis pas prête d'oublier cette gamine. J'imagine. Comment ça s'est terminé? Ben, quand les pompiers sont arrivés, on l'a emmenée. Et puis, on est reparti. Mais vraiment, j'ai encore cette image. Hein. Je crois que chaque fois que je passerai à cet endroit, ouais, j'aurai encore... À ça. Ah ben oui, je l'aurai devant moi, cette fille. Mais tu te rends compte quel désespoir il doit pour en arriver là. Elle aurait pu être ma fille, enfin. Enfin, voilà. Penser. Non,